Si il y a tout d'ailleurs, tout nous là. Parce qu'il y a seulement famille. Boum son. Yeah. Parce qu'on arrive à donner ton famille, ton gâteau zombie. Boum son. Hey. Il y a seulement famille qui me permet d'avancer. Yeah. Boy, il me comble de respect, d'amour et pas de bannesse. De bannesse. Yeah. Amis qui me permettent de poser, yeah. Hey, boy, SAS Production, et c'est Réo Sonixon. Boopson, boopson, hey, mon game aux familles, mon game aux amis, toujours la Kahari, là je dis la vie, mais là on va vous poser. Tout, hein? Bad guy, sérieux, il est missing again. Mon game aux familles, mon game aux amis, toujours la Kahari. Quand je dis la vie, toujours la qu'à profiter. A tout pas, j'ai ta vie, j'ai ta vie. Eux qui me guident dans mes pas, c'est eux qui me guident dans ma voix. Dans mes moments difficiles, comme dans mes moments de joie. C'est eux qui me guident dans mes amis. Dans la touche au fond, dans la vie. C'est dans mon monde de combat. C'est eux qui me guident dans mes pas, c'est eux qui me guident dans ma voix. Dans mes moments difficiles, comme dans mes moments de joie. C'est eux, ce qu'on appelle la famille. Si tu restes toi-même, tu seras évincé. Le Jaja qui t'aimera, qui t'aimera. Reste seul dans ta voix, car je sais que t'as la foi. Prends conscience de la vie de tes amis. Si tu restes toi-même, tu seras évincé. Le Jaja qui t'aimera, qui t'aimera. Ok, toi, hein. Tchou. Il est là qu'on parle, quand même pris ses amis. Il est pris à ma crêle, il est là qu'on senti. La crasse jalousie, peuple c'est pour 100 000. Peu d'hypocrisie, aïe ben y'en des argosies. Y'en a qu'à parler, qu'à m'épouser des amis. Y'en puis un macrélé, y'en a qu'à sentir. La crasse jalousie, peuple c'est pour 100 000. Tout ouais, play-lo. Yeah. Parce qu'un travail nous rappelle depuis long time. Respect Genobri, URS Crew, Damagnac, Black June Family, Janaki. Toutes ces bouquins ma Korea, toi ouais. Même si Fireman, Charlie. L'enla il est ré. L'enla il est ré. L'enla il est ré. Babylone, nous j'en savais tout du beau qui t'a Babylone. Arrête qui garde des règles qui veut Babylone. Nous portons du beau qui t'a pile, t'a fait cinéma, cinéma. Et pour nous dire Babylone, nous j'en savais tout du beau qui t'a Babylone. Arrête qui garde des règles qui veut Babylone. Nous portons du beau qui t'a pile, t'a fait cinéma, cinéma. Nous voyons nous, hey, nous hypocrite qui a fait des gamins, non pas arrêter là. Pour moi t'es hypocrite, Babylone qui a fait cinéma. Rien qui gagne, rien qui veille, rien qui fait des gars. Nous banque les hommes, sont là tous des machins. Nous pouvons passer, sont là qu'à veiller nous. Vous savez, nous tous des macros, nous tous des nous. Low. Non maman ne croyez, non maman ne croyez, non maman ne croyez, non maman ne croyez, non maman ne croyez, non maman ne croyez, non maman ne croyez, non maman ne croyez, non maman ne croyez, non maman ne croyez, non maman ne croyez, non maman ne croyez, non maman ne croyez, non maman ne croyez, c'est pour avancer, faut passer le BAC. Mais pour le Saint-Héro, il faut penser comme un Français. Soit devenir citoyen ou devenir haut placé. Ils font des intellos modélés sur leurs idées. Zéro aux intellos si tu n'as pas leur fil. Oh non, j'ai trop de défauts. Je ne suis pas un robot dans la société de mon wagon. Il est tout, ouais. Parce que mon pépapa est ton gogo. Ton pépapa est ton gogo. Tous les bâtiments, tout, ouais. Well, son boy, bye to go to the top, bye to go to the top, Give me Give me, hot fire.